Psaume numéro 74. À toi, Dieu, nous rendons grâce. Nous rendons grâce et ton nom est proche. On proclame tes merveilles. Oui, au moment que j'ai fixé, moi, je jugerai avec droiture que s'effondre la terre et ses habitants. Moi seul en ai posé les colonnes. Aux arrogants, je dis, plus d'arrogance. Et aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas votre front contre le ciel. Ne parlez pas en le prenant de haut. Ce n'est pas du levant, ni du couchant, ni du désert que vient le relèvement. Non, c'est Dieu qui jugera. Il abaisse les uns, les autres il les relève. Le Seigneur tient en main une coupe où fermente un vin capiteux. Il le verse, et tous les impies de la terre le boiront jusqu'à la lie. Et moi, j'annoncerai toujours dans mes hymnes aux yeux de Jacob, je briserai le front des impies, et le front du juste s'élèvera.